Et voyage forme la jeunesse. C'est bien. Déforme aussi un peu les fesses quand on fait un vélo. En attendant, c'est incroyable tout ce que les hommes sont capables de faire. Quand ils ne se battent pas, ils ne font pas qu'ils ramassent des sous, ils font des choses très jolies.